J'ai longuement purgé ma peine. J'ai longuement purgé ma peine. J'ai longuement purgé ma peine. J'ai enfin compris que c'est dans l'amour que se cache la haine. Ok. C'est la dernière, gros. Amour sans cœur. Ok. MC Braco. N'oubliez pas, bientôt l'album. Énervé. J'ai longuement purgé ma peine. J'ai enfin compris que c'est dans l'amour que se cache la haine. Tous les soirs je sympathise avec la gamberge. Y'a plus de doute quand j'écris, ma feuille reste vierge. On se sent fort quand elle fait des crises de jalousie. Un peu plus con quand elle se fait sauter dans le jacuzzi. Tu sais, y'a pas besoin pour être heureuse d'être aimée par le monde en faisant la crasseuse. Pourquoi se montrer à chaque coin de rue à être vêtue d'un string ficelle sortant d'une petite Peugeot. Attaque, c'est une clope en jouant la tasse. Je suis désolé, mais chez moi t'as pas ta place. À travers ton regard on voit que t'as trop de vices. Ta conscience veut montrer que t'es love and peace. Trop souvent de la vérité tu désistes. T'aimes qu'on dise je t'aime sans ça on te sent triste. Tu aimes quand la vie est trop classe. Tu penses tromper sans laisser trace. Tu aimes quand ton plan est en place. Tu te fais piéger, faut y faire face. Amour sans cœur c'est comme un homme sans peur. Trop de larmes à chacun ses erreurs. On dit souvent qu'avant le beau temps y'a la tempête. Chez moi le ciel pleure et me tombe sur la tête. L'amour est mort, on a appuyé sur la gâchette. Des sentiments enfermés qui ont pris perpète. Comment quitter une personne si t'as pas de cœur? Abusé de sa gentillesse, t'accumules tes erreurs. Dans le fond on se sent un peu concerné. Du mal à aimer quand l'autre est trop renfermé. À force de s'engueuler on en oublie les raisons. Chacun son degré, tu changes comme chaque saison. Tu fais l'effort d'être plus ou moins hardcore. T'aimes être gâté et t'en veux encore. Ta vie se résume à une capote dans une poubelle. À être la plus belle, à faire tourner son funtel. Michetonner pour de l'argent, c'est pas athétique. Pas authentique, y'a pas d'amour s'il y a pas de fric. Tu aimes quand la vie est trop classe. Tu penses tromper sans laisser trace. Tu aimes quand ton plan est en place. Tu te fais piéger, faut y faire face. Amour sans cœur, c'est comme un homme sans peur. Trop de larmes à chacun ses erreurs. La solitude te rend nerveuse. Qu'on te remarque dans la rue, ça te rend heureuse. Tu joues bien le rôle de michetonneuse. Mais le pire c'est qu'au fond t'es malheureuse. La solitude te rend nerveuse. Qu'on te remarque dans la rue, ça te rend heureuse. Tu joues bien le rôle de michetonneuse. Mais le pire c'est qu'au fond t'es malheureuse. Sans laisser trace. Tu aimes quand ton plan est en place. Tu te fais piéger, faut y faire face. Amour sans cœur, c'est comme un homme sans peur. Trop de larmes à chacun ses erreurs. Tu aimes quand la vie est trop classe. Tu penses tromper sans laisser trace. Tu aimes quand ton plan est en place. Tu te fais piéger, faut y faire face. Amour sans cœur, c'est comme un homme sans peur. De larmes à chacun ses erreurs. Tu aimes quand la vie est trop classe. Tu penses tromper sans laisser trace. Tu aimes quand ton plan est en place. Tu te fais piéger, faut y faire face. Amour sans cœur, c'est comme un homme sans peur. Trop de larmes à chacun ses erreurs. Ok, c'était la net tape, à bout portant, MC Braco, il arrive fin 2010 avec son album, Inch'Allah, ok.